qui a déclenché, disons, tout ça, on a fait des travaux à la maison dans les années 60, où c'était 64, 65, peut-être par là. On a fait des travaux dans la maison, il a fallu. Mais ma mère a ouvert un restaurant, il n'y avait pas de restaurant avant. On avait un café-épicerie, on avait une ferme, il y avait six vaches. Donc c'était vraiment le commerce et la maison traditionnelle de nos petits bourgs de campagne. Et puis ma mère a ouvert un restaurant, ouvrier au départ, et puis petit à petit, bon, ça n'a jamais été un grand restaurant, mais toujours ouvrier. Et donc il a fallu faire des transformations, évidemment, dans la maison. Et donc pour ce faire, ce qu'on avait, où on avait notre salle à manger à l'époque, on en a fait la cuisine du restaurant. Et là, il y avait un plancher en bois qui était vieux, qui vieillissait, avec tout le mobilier qui était là. Les meubles de mes grands-parents étaient dans cette pièce. Donc il a fallu évidemment déjà carreler le sol, évidemment, qui était en bois vieillissant, et évidemment vider toutes les armoires. Et c'est en vidant une armoire que j'ai découvert donc des petits paquets, des petits mouchoirs qui étaient noués avec des coiffes dedans. Et puis j'ai demandé à ma mère, évidemment, pour alors j'avais, ça c'est dans les années, donc j'avais une vingtaine d'années, quoi, un peu plus. Et donc j'ai demandé à ma mère ce que c'était que tout ça. Bon, je savais que c'était des coiffes, ça se voyait, bien sûr, même si c'était en chiffon, on savait, puisque, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu là-dedans, donc même ceux qui s'intéressaient pas savaient ce que c'était. Et puis elle m'a dit qu'il y avait donc là-dedans, dans le lot, sa coiffe de mariée et puis d'autres coiffes de la même époque. Et donc, ben, je l'ai étudié, évidemment. Je me vois encore en train de tripoter cette coiffe, là, de la passer dans les mains, de la regarder, de l'étudier. Et puis, donc, j'ai demandé à ma mère de les laver. Elle les a donc nettoyées, donc, parce qu'elles traînaient. Bon, maman et mes parents sont mariés en 1927, donc ça faisait quelques années, hein, que la coiffe ne servait plus non plus, mais elle était là. Et puis, donc toute jaunie, évidemment, comme tout ce qui est dans l'armoire depuis longtemps. Et puis, donc, elle me les a lavées. Et je les ai envoyés chez la repasseuse qui lui repassait ses coiffes. Et donc, ben, évidemment, elle a été étonnée, la repasseuse, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces trucs-là? C'était pas. Donc, dans les années 60, disons que c'était pas encore très commun de collectionner des coiffes ni ce genre de choses. C'était vraiment. C'était le début. Et puis, donc, ça m'a intéressé, bien sûr. Et petit à petit, bon, après, j'ai encore demandé à ma mère, elle m'a encore montré d'autres, des coiffes anciennes, autres que celles-là, qu'elle ne mettait plus, mais elle avait eu la bonne idée, elle, de les garder dans son. Tout ça, quand c'était plus bon, ben, quand ça servait plus, les maisons n'étaient pas très grandes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants surtout, il fallait faire place nette dans les armoires, on ne pouvait pas entreposer inutilement des choses. Et donc, beaucoup de femmes ben, jetaient ça carrément au jonc, comme on dit. On mettait ça dans le sac du pillawer, dans le pillawer qui passait, c'était le chiffonnier des monts d'Arrée, là, qui passait dans la région, récupérait tous les vieux tissus, pour les ramener là-bas et en faire les refondre et refaire du papier, refaire des. Et donc, beaucoup de ces choses, coiffes, costumes et tout, ont disparu comme ça. On les achetait dans le sac de ce monsieur qui devait passer donc régulièrement plusieurs fois par an. Et puis, ben, ça a disparu. Et maman, elle, par contre, quand elle avait des coiffes qui ne lui servaient plus, soit qu'elles étaient trop déchirées pour être mises, trop abîmées, ou qu'elles n'étaient plus à la mode, parce que tu sais maintenant, tu as bien vu que la coiffe a beaucoup évolué en très peu de temps, donc une coiffe qui n'était plus à la mode, bon, on ne la mettait plus. Et donc maman, elle, quand une coiffe n'était plus à la mode, ou bien qu'elle n'était plus à mettre, disons, elle, au lieu de les laisser telles quelles dans l'armoire toute sale, et comme faisaient beaucoup de gens, on les entreposait dans un coin de l'armoire et restait là, elle les lavait toutes. Elle les lavait, puis elle les mettait dans un mouchoir ou une petite serviette de table pas très grande, nouée, et puis. Donc dans les années 60, vous découvrez cette coiffe et vous dites, allez voir la repasseuse, donc la repasseuse de Landudec. Oui, une des repasseuses de Landudec, puisqu'il y en avait plusieurs encore à l'époque. Il y en avait combien à peu près? Et ben quand j'étais enfant, il devait encore être à 5. Il y avait et chez qui et ma mère envoyaient les coiffes chez toutes pratiquement, puisque comme elle était commerçante, les repasseuses aussi étaient clientes chez elle. Donc et aussi, je veux dire, oui, les repasseuses étaient clientes, donc il fallait bien, c'était un système de troc qui avait lieu évidemment on était client quelque part, donc il fallait rendre, c'était un échange, quoi, monnayé évidemment, mais échange quand même. Donc elle se devait à chaque repasseuse. Et donc les repasseuses de mon enfance, il y avait Marie Luegen, il y avait comment elle s'appelait, Marianne Quéré, qui était au bourg, il y avait Marie Trévidic, il y avait Marique Poulamarquis, c'est compliqué tout ça. Et puis Francine. Donc j'ai connu ces cinq-là dans une petite commune de Landudec qui avait en gros 1200 habitants à l'époque. Donc c'est qu'il y avait, s'il y avait des repasseuses, c'est qu'elles avaient de la clientèle. Et donc pas mal de femmes encore portant la coiffe. Alors après, quand j'ai trouvé donc celle de maman, j'ai demandé après aux voisines si elles n'avaient pas des vieilles coiffes qui traînaient au fond de l'armoire, ou à mes tantes paternelles étaient plus âgées, du côté de mon père, elles étaient plus âgées. Là, il avait trois sœurs qui ont été en coiffe toute leur vie, celles-là, elles avaient leur coiffe. Mais du côté de maman, maman était l'aînée de la deuxième de 10 enfants. Et l'aînée des filles, après il y avait 8 filles, qui elles se sont ont toutes porté la coiffe quand elles étaient enfants et jeunes, évidemment, comme tout le monde, mais elles ont quitté la coiffe après la guerre. Comme beaucoup de jeunes filles, dans les années, sitôt après la guerre, dans les années 45-50, la plupart des jeunes filles de 20, 25, 30 ans ont quitté la coiffe à ce moment-là. Donc mes tantes, à part maman qui était l'aînée, l'ont toutes faite. Et puis maman, peut-être aussi du fait qu'elle était commerçante, quelque part, ça donnait plus de... Parce qu'une commerçante se devait d'être présentable toujours, évidemment. Même sans coiffe, évidemment. Mais avec la coiffe, ça lui donnait peut-être plus de prestance dans son commerce. Et puis bon, ben, c'était peut-être... Voilà. Ça plaçait la personne. Et puis elle était l'aînée. Donc c'était une autre génération. C'est les générations d'après qui ont quitté aussi. Et puis donc j'ai demandé à mes tantes, elles n'avaient plus de coiffe beaucoup d'entre elles, parce que quand elles sont allées en kisker, comme on dit chez nous, à la mode de la ville, kisker, K-I-Z-K-E-R, kisker, la mode de la ville. Quand elles sont allées à la mode de la ville, donc en chapeau, comme on disait à l'époque aussi, aller en chapeau, c'était un terme qu'on employait, elles ont bazardé tout ça. Tous les coiffes qu'elles avaient ne leur servaient plus, ou elles en donnaient quelques-unes à ma mère qui était leur sœur, ou bien à d'autres, des belles-sœurs, des cousines qu'elles avaient qui étaient restées en costume. Donc les coiffes, puis elles n'avaient pas beaucoup de coiffes non plus, c'était des filles de la campagne, elles étaient jeunes filles, elles se sont mariées toutes en coiffe quand même, mais après, donc comme elles ont quitté, et c'était des filles de la campagne, donc elles ne mettaient pas la coiffe, elles mettaient la coiffe que pour la messe du dimanche, et quand elle sortait, pour les pardons, les mariages, tout ça. Donc elle n'avait pas un jeu de coiffe important. Alors que maman et les commerçantes des bourgs, évidemment, étant portant la coiffe tous les jours, elles avaient des jeux de coiffe importants. Parce que les coiffes ne duraient pas tellement longtemps. Elle, comme elle avait son restaurant, et quand elle avait fait 8-15 jours avec une coiffe, elle était défraîchie, elle était plus très sale, elle était pas très sale peut-être, mais c'était défraîchie, fallait être toujours présentable. Donc les coiffes, quand elles étaient défraîchies, on les mettait de côté, et puis on attendait d'en avoir un certain nombre pour les laver et les ramener chez la repasseuse. Donc il fallait des coiffes de rechange. Comme je t'ai dit, il y avait pas mal de femmes encore qui portaient la coiffe, donc j'ai demandé à droite et à gauche, à tous les gens que je connaissais. Et puis, j'en ai eu un certain nombre, c'est vrai, que beaucoup ont regretté après certainement de me les avoir donnés, parce que c'était l'époque donc où les enfants de ces femmes, donc la génération de mes sœurs qui sont plus âgées que moi, et toutes ces filles-là, c'était l'époque où on s'est complètement désintéressé. Porter une coiffe, ça devenait ringard. C'était vraiment... Et on se désintéressait complètement. Et qu'est-ce qui vous a donné après l'envie d'élargir la collection à toutes les régions ou... Et bien après, ben déjà comme on avait le restaurant, on avait des clients de partout, c'était un restaurant ouvrier, donc on avait des ouvriers qui venaient travailler dans le secteur, qui venaient de partout, des communes environnantes, du Finistère, même de plus loin. Et puis bon, je demandais aux gens, toi tu viens de tel coin, est-ce que tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui porte des coiffes, ta mère, ta grand-mère, ou ta femme, si c'était des gens d'un certain âge déjà. Et puis comme ça, on m'a envoyé quelques coiffes, d'un peu partout déjà. Et après ça, dans les années modernes, donc les années 70 par là, il y a beaucoup de brocantes qui se sont ouvertes, qui existaient de tout temps, il y a toujours eu des brocantes, mais... Ce genre de choses s'est développé de plus en plus. Et donc, partout, je faisais les brocantes, et je faisais tout ça pour puis voilà. Et donc, j'ai donc pris le goût de collectionner donc des pièces venant d'ailleurs. Et puis, ça s'est développé comme ça. Après ça, donc après ces années 60-70, où il y a eu un renouveau pour ça, les fêtes folkloriques aussi sont pas mal développées à partir de ça. Donc là, il y a eu un petit renouveau quelque part. Et ce sont souvent pas les filles de ces femmes qui portaient la coiffe, qui se sont intéressées, mais souvent les petits-enfants, et qui sont arrivés après, et puis qu'ils étaient mémé, toi t'as ton costume de mariée dans l'armoire et tout ça. Donc elles se sont intéressées, il y a eu un intérêt beaucoup plus important pour ça, et donc les gens se sont remis à vouloir garder et à vouloir rechercher. Donc aujourd'hui, c'est à peu près combien de coiffes que vous avez réussi à J'en sais à rien, collecter. J'ai jamais compté. Mais donc, j'ai des coiffes donc, de régions différentes, comme je te disais tout à l'heure. La Bigoudenne, évidemment, c'est mon principal, comme je suis Bigoudin, bien sûr. Mais sinon, j'ai des coiffes de partout, des environs, de partout où je peux en trouver. Je dois avoir à peu près, parce qu'en Bretagne, de la Pointe du Raz jusqu'au Mont-Saint-Michel, on peut compter à peu près 350 sortes de coiffes différentes. La Bretagne est vraiment le pays de France où il y a la plus grande diversité en coiffes. Moi, j'en ai peut-être 70-80 différentes. Donc, il m'en manque encore beaucoup de toutes celles qu'il y a en Bretagne.